بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد نواصل في قراءتنا في هذا الكتاب الذي هو شرح أبل الأصول من علم الأصول للعلامة ابن العثيمين رحمه الله تعالى ونبقي باب العلم علم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما comprendre une chose avec certitude. On va dire sous sa réalité, de façon totale. Et là, il ne parlait pas du ilm shari. Car le ilm shari, c'est quand Allah, quand le Rasoul. Là, il parle du ilm, yani l'oratan. Point de vue linguistique. Après, il a cité l'accent de maratib al-ilm. Tu te rappelles? En pensant avec probabilité que son contraire il est inférieur. Ah, il y a un autre avis, mais que celui que tu as choisi il est meilleur. Ah, il ensuite, il y avait loi. Loi, c'est l'inverse. C'est Idrak Shay Ma Ahtimal Anna. Ahtimal Dit Rajir. Non, que tu penses une chose, mais tu te dis que l'autre avis, en fait, il est plus fort. Et l'autre, c'est Shak, c'est que c'est pareil. Ça va. Idrak Shay Ma Ahtimal Anna, ça va, je pense. Non. Et on avait pris également dedans deux choses, autre chose, t'as pas cité. On avait pris. T'as cité l'ilm, mais son opposé c'est quoi? Ah oui, non, le jahl basit. Ça c'est Adam Idrak Bilkulliya. Non. Ça c'est rien, il connaît rien. Et l'autre, le jahl mouakab, je crois que c'est Idrak Shay Alama Huwa Yukhalif. Oh, je c'est. Tu crois que c'est. Alors, ouais, Yukhalif Mawa Alihi. Tu penses une chose alors qu'elle n'est pas comme ça. Tu penses la connaître alors que tu ne la connais pas. Non. Donc tu es ignorant et tu ignores que tu ignores. Ce qui fait qu'il est pire que l'autre qui est ignorant et il sait qu'il est ignorant donc. Et il ne s'avance pas. Thumma aqsam al-ilm. Non. Daruri. Daruri. Wa nazari. Il y a une science évidente et. Théorique, après on avait dit que ce taksim, il avait, à la base, il a été posé par des gens de la bid'a, premièrement. Et deuxièmement, il est relatif, donc il est discutable. Il y a un lien en ce qui concerne Ad-Daruri. Ça peut varier d'un individu à un autre, ou même du musulman au kafir. C'est pas pareil. Daruri, c'est ce qui n'a pas besoin de stylèle, d'après ce que se dit. Et dans Zorri, c'est celui qui a besoin de stylèle, une preuve. Tu ne peux pas le savoir sans que tu l'aies appris, en fait. Et l'autre, tu es censé le savoir déjà, mais à la base, il y a des choses que tu ne sais pas, même si elles sont évidentes par la suite. Au moment, avant que tu les aies connues, elles ne l'étaient pas. Taïb Noua Asil Al-An, où il y a trop le fait Bab Jadid, où il y a Bab Al-Kalam, le chapitre du Kalam. Dans ce sujet, dans ce Bab-là, des choses qu'on va essayer d'écourter le plus possible. On va citer directement des fois sans forcément lire en arabe, tout en restant fidèle au sens. Il y a des choses qui sont très difficiles à retransmettre en français, telles que l'auteur les a écrites, donc on essaiera de faire comme on peut. Et il y aura un tambis, il y aura un truc à la fin aussi, à citer. Inch'Allah. Qala, ta'alifuhu, al-kalam lughatan al-lafz al-mawdu' li-ma'na. Kalam, à la base, point de vue linguistique, c'est. Un terme qui a été mis pour un sens. وَاِسْتِلَاحًا اللَّفْظَ الْمُفِيدِ C'est un terme également dont tu tires un sens. Comme le fait de dire Allahu Rabbuna wa Muhammad Nabiyuna. Allah notre Seigneur, que Muhammad est notre messager, ou notre prophète. Et en réalité, les deux ils sont pareils. Cheikh l'Islam a fait un bien que Al-Kalam, l'Oratan ou Istilahan, c'est la même chose. C'est اللفظ الذي له معنى اللفظ المفهوم un terme qui est compris Nous, en français, kalam traduit par parole. Chez les Arabes, ça avait le même sens. Wa aqal ma yata'allaf minhu al-kalam isman aw fi'l wa ism. Et le minimum qu'on trouve dans un kalam, on s'appelle aussi également une jumla mufida. C'est-à-dire une phrase qui a un sens. Et le minimum dont on se compose en arabe, en français, c'est pas pareil. Ce serait soit deux noms ou soit un verbe et un nom. Par exemple, deux noms, Mohamed, Rasulullah. Mais là, il y a un autre, parce qu'enfin, il y a trois noms. Il y a Mohamed, Rasul, ou il y a Allah. On vient se dire, مثلاً, Zaydoun qa'imun. Zaydoun est debout. Par exemple, le chéri a cité, il y a trois mots, bien que les gens disent que le mot d'offre, mudof ilayhi, prennent la place d'un seul mot ensemble. Mais à la zahir, il y a trois noms. Donc on dit un exemple plus proche de la chose pour que les gens assimilent la chose, c'est Zaydoun qa'imun. Zaydoun c'est un mutada, qa'imun c'est un khabar. Ça s'appelle le jumla ismiya. On n'en a pas en français. On est obligé, il y a un verbe dans les phrases. Et l'autre, minimum, fi'l ou ism. La salen, ja'a Zaydoun. Zaydoun est venu. C'est le minimum. Tu ne pourras pas trouver un kalem qui est moins que cela. Et s'il y a moins que cela, c'est qu'il y a un tokdir, c'est qu'il y a un truc qui a été enlevé. Tu dis, je dis, Masmouka, comment je t'appelle? Tu dis, Sofiane. Ta jumla, quand tu as dit Sofiane, c'est un kalem. Quelqu'un va dire, mais il y a un seul nom. On dit, non, mais il y a un tokdir, Ismi, Sofiane. Ismi, Sofiane. Tu as répondu à ma question. Donc des fois, quand tu vois un seul mot, c'est qu'il y a un tokdir, un sous-entendu, il y a un mot qui a été enlevé. Mais le minimum, c'est deux noms ou un verbe et un nom. Aussi des exemples, j'en ai cité d'autres à la place. Et wahid al-kalam, kalimatun wahiya al-lafz al-mawdu' li ma'na mufrad wahiya imma ism aw fi'l aw harf. Et la partie unique d'un kalam, ce sera une kalima. Kalima, c'est quoi? C'est un mot. Ce serait soit un nom, soit un verbe, ou soit un harf. Un accent en langue arabe. Harf, qu'ils appellent en français, est traduit par particule. Après, ils donnent la définition du ism en arabe. Ma dalla ala ma'na fi nafsihi min ghayri ishar bi zaman. C'est ce qui a un sens qui n'est pas lié. Ce qui prouve un sens qui n'est pas lié au temps. Par exemple, tu dis maison, bait, hada ism. Est-ce que c'est lié au temps? Pas lié au temps. Et quand on dit maison, on sait de quoi on parle. Il y a d'où la ma'na, directement. Et ce ism est de trois catégories, comme il le dit. Yaqul, ma yufidu l'umum ka al-asma al-mawsoula. Parmi ces asma, ces noms, il y en a certains qui ont un sens de généralité, comme l'asma al-mawsoula. Tout ça, ça va venir en tafsil. Là, il fait une introduction, et après, il va venir en tafsil par la suite. Al-fadl al-umum, al-fadl al-itlaq, wa kaza. Pour pas qu'on a à chaque fois recité la chose. Donc, l'asma al-mawsoula, comme Allazi, Allati, Allazani. Rien qu'on traduit par celui ou quiconque. Athani, Mayofidu, Alitlok, Kennakirov, Siak, Al-Ithbet. Il y a des noms qui ont un sens, comme on dira ça, de sens absolu. Il y a un nid dénué de conditions et de précision. Comme quoi, un nom indéfini dans une phrase affirmative. C'est-à-dire, un nom indéfini dans une phrase affirmative. Il n'a pas dit d'exemple. Ça va venir, Inch'Allah, kazalik. Al-Thalith, ma yufidu l'khusus, quel a'lam. Est-ce qui a un sens de spécificité comme les noms propres? Les noms propres, quand on cite un nom propre, c'est une chose qui est définie en soi, en elle-même. Comme, takul, ra'aytu, zaydan. J'ai vu Zayd. Quand on dit Zayd, c'est pas Amr, c'est pas Ibrahim, c'est Zayd. Tu sais c'est qui Zayd directement. Donc, tu sais de qui on parle tout de suite. Ça c'est un tarsis. Donc ça c'est en ce qui concerne les noms, l'asma. Après, el fi'l, le verbe. Ma dalla ala ma'na fi nafsihi wa yata'allaq bi ahad al-azmina thalatha. C'est-à-dire ce qui a un sens en lui-même et qui est lié au temps. Comme je te dis, Jalasa, qui veut dire s'asseoir. Jalasa, le sens, il est connu ou pas en soi? T'as besoin d'autres choses pour comprendre le sens de Jalasa? Là. Mais Jalasa, maintenant, il est lié au temps. Ça peut être, comme il le va citer par la suite, mardi, dans le passé, Mouda Ali, Yajlisu, ou Moustakbel. Ça Yajlis. Et là, le shir, il a fait, de ce que je connais du Nahou, une chose qui ne rentre pas dans le Taksim qui est connue. À la base, le Taksim, c'est Al-Af'al Salatha ou Al-Azmina Salatha. C'est une chose, deux choses différentes. Les temps du verbe sont de trois. Passé, mardi, Moudalir, présent, et futur, Moustakbel. Lui, il a cité les catégories de verbes, et non pas les temps des verbes, là. Parce qu'il a mis le Amr, l'impératif. L'impératif, ce n'est pas un temps. Donc ça, c'est une chose... Allah alam si peut-être qu'il a un stylaire qui lui est propre, mais dans les coutumes de Nahou, tu verras que tu as Aksam el Fir et tu as Azmina el Fir, c'est pas pareil. Et lui, il a dit Azmina et après il a mis Al-Aksam en dessous en exemple. Fumakol, tout ça c'est des choses, il y a un dialogue avec Laura, c'est sahel. Même quand on fera du Nahou, ça va être cité avec le torsil. C'est pas encore là le shahid du bab. Ou el Firlu, bi Aksamihi, yufidu al-Itlaq, fala umuma lah. Et il dit que le verbe, lui, avec ces trois catégories qui sont le mardi, le modali et le am, là il a bien dit aksam, il n'a pas dit azmina. Il a le redit aksam. Il a un sens qui a un sens de itlaq. Une chose absolue, sans précision. Maintenant je te dis, jalasa zayd. Zayd s'est assis. Comment il s'est assis, on ne sait pas. Où est-ce qu'il s'est assis, on ne sait pas. On sait juste qu'il s'est assis auparavant. Combien de temps, on ne sait pas. Donc c'est un itlaq. Après, il te revient de pouvoir poser des questions pour avoir plus de précision. Ça, c'est un itlaq. Et l'itlaq va venir également par la suite. Là, il te présente juste le kalem pour l'instant. L'itlaq, il va venir. Le romoum, il va venir. Le khos, il va venir. Chacun, ils auront leur bab qui va venir. Après, il parle de troisième forme de kalima, le harf. Qalem adalla fi ma'na fi ghaylihi. Un harf, c'est une chose dont le sens apparaît dans autre chose, pas en lui-même. Soit dans un verbe qui viendrait derrière, ou soit dans un isme qui viendrait derrière. Son sens n'apparaît pas en lui-même. Il apparaît dans ce qui vient par la suite, dans la phrase. Takoun Mesalen, Zaydoun fi al-Bayt. Si je te dis, Mohamed fi, tu ne sais pas c'est quoi. C'est quoi le fi dans quoi? Fi al-Bayt. Le sens, c'est qu'il est dans la maison. Le sens, il apparaît comment? Avec autre chose derrière. Pas tout seul. Après, si des différentes formes de huruf, on a le waou, qui s'appelle le waou wa'atifa, qui a un sens de participation, de partage entre les deux. Par exemple, tu dis déjà Mohamed wa Zayd, c'est-à-dire que Mohamed et Zayd sont venus. L'action du fait de venir a été partagée par les deux. Naam. Et ça n'a pas forcément un sens de tartib. Même si tu dis Ja'a, Mohamed ou Zayd, ça ne veut pas dire que Zayd est forcément venu avant Mohamed. Ou le contraire. Tu ne sais pas. Et non plus, ça ne te dit pas qu'ils sont venus ensemble. Mayalzeb. C'est pour qu'un soit venu, et l'autre soit venu beaucoup plus tard. Un méchi, c'est que les deux sont venus. Le fait d'être venu s'applique sur les deux. Sur Zayd et sur Mohamed. Après, on a le fa. Qui est également un harf atf. On pourra ça dans le nahou, inshallah. Qui est également le même sens que le waou, de partage et de collaboration dans l'action et dans le jugement, dans la phrase. Cependant, il y a un ordre par contre. Par exemple, tu dis Ja'a Zayd fa Mohamed. Que Zayd est venu et juste après Mohamed en fait. C'est-à-dire Mohamed est venu juste après Zayd. La fa, il y a un sens d'ordre. Et en plus, il est venu directement après. On sait que Zayd est venu et que Mohamed est venu juste après lui. Après, ce temps peut être une chose relative en fonction de la phrase. On avait expliqué ça déjà. Ce temps peut être relative en fonction de la situation. Comme tu dis, et elle peut venir pour d'autres sens. Le fait peut venir pour citer une cause. Non. Ça, c'est ma'atalak bi hadalbam. Juste une précision que le shiridan. Troisièmement, l'em el-jarra. qui est un harf jar, li, elle a plusieurs sens. Parmi ces sens, ta'lil, la cause, ou la possession, tamlik, ou al-iba'afa, la permission. Ta'lil, مثلا, tu dis, jitu li talab al-ilm, je suis venu pour talab al-ilm. Là, c'est un sens de quoi? Tandis que la cause. Tamlik, hadha li, ça c'est à moi, avec un ya à la fin. Wada lak, ça c'est à toi. Et ça vient également avec un sens de permission. Tu peux dire à quelqu'un, la kazalik, tu peux faire cela. Ouais. Quelqu'un te dit, est-ce que je peux, masalan, boire dans le masjid? Hel li an ashraba fil masjid. Tu dis, naam, la kazalik. Oui, tu peux, dans le sens. Nous traduirions comme ça en français. Mais en fait, c'est-à-dire, ces choses te revient, ça t'est permis de faire cela. Tout ça, c'est une introduction. Ça va venir plus en tafsir par la suite. Là, il veut juste parler des harf, des asma et des af'al. Après, il dit, et là, c'est des exemples qu'il donne, seulement. Rabi'a, ala, al-jarra. Ala, qui est un harf jar. Qui a plusieurs sens. Parmi elles, le sens de wujub. L'obligation. Par exemple, tu dis, alayka, antafa'ala kaza. Tu dois faire cela. Il y a d'autres sens également. Donc ça, ce sont les kalimas, les mots employés dans le kalem, ce sont soit ism, soit tiel, soit harf. Après, il dit aqsam al-kalem, les catégories de kalem. Qal yanqasimu al-kalem bi-irtibar imkan wasfihi bi-sidq wa adamihi ila qismayn, khabar wa insha'a. Le kalem se divise par rapport au fait de pouvoir le décrire comme étant une parole véridique ou pas, en deux catégories. Ce qu'on appelle un khabar et ce qu'on appelle insha. Khabar, ce serait information. Insha, j'ai pas de traduction. Insha, j'ai pas de traduction. J'ai pas trouvé de mot pour traduire, donc on reste comme ça en arabe. Khabar ou insha. Qala fal khabar ma yumkin an yusaf bi sidq ou al kadhib li dhatihi. Un khabar, c'est une chose qu'on peut qualifier comme étant une parole véridique ou comme étant un mensonge en lui-même. Là, on va pas dire que le, on va citer directement pour gagner du temps, parce que là, la femme c'est tafsil, enfin faire un français c'est un petit peu long. Je te dis directement. Un exemple, je te dis, Jaa Zaid. Zaid, il est venu. Ça, c'est un khabar. Est-ce que quelqu'un peut dire non, il n'est pas venu? Maja. Oui ou non? Quelqu'un peut dire cela. Donc, ce khabar peut être qualifié comme étant un mensonge ou comme étant véridique. Donc, c'est un khabar. Après le khabar, tu as des akhbar, quand il dit les zaatihi, il y a des akhbar qui ne peuvent contenir de mensonges, c'est impossible. Car le khabar, ou le mokhbar bihi, est de trois catégories. Premièrement, dont il est impossible qu'il soit un mensonge. Le khabar de qui? D'Allah et de son messager dans ce qui était authentifié. Dans le Coran, des akhbar, t'en as plein. À la université d'histoire des Anbiya, des Bani Israël, des faits passés dans les communautés antérieures. C'est un khabar d'Allah. Mais c'est impossible qu'il soit un mensonge. Wa man asdaqu min Allah qila. Ce que Allah a dit, c'est forcément vrai. On ne peut pas dire qu'il y a du mensonge dedans. Sinon, ce serait du kufr. Mais ça s'appelle un khabar quand même. Il est hadith sahiha, kazalik, khabar al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kazalik. C'est impossible que ce soit un mensonge. Après, deuxième catégorie de khabar, ce qui ne peut être considéré comme étant véridique, impossible que ce soit véridique. Une chose qui s'oppose à la raison. Comme par exemple quelqu'un qui te dit, en dehors des miracles, bien sûr. Vous voyez, dans les choses qui sont normales, tu dis, Mathalène, il y a un poisson qui s'est assis sur ma chaise. Tu dis, c'est pas possible. Mathalène, c'est un khabar. T'as coulé jalassa samak. Ça, c'est un khabar. C'est un kalem, c'est pas un kalem. Jalassa fir, samak, ism. La phrase, elle a un sens. Ça s'appelle un kalem. Il rentre dans le khabar. Pourquoi? Car on peut le qualifier de mensonge ou de véridique. Mais ça, c'est un khabar qui ne peut être qu'un mensonge. Et là, on part de ce qui sort des choses qui sont miraculeuses. Mais la base, c'est que Aqlan, par rapport à la logique et aux choses qu'on connaît des lois d'Allah naturelles, c'est pas possible. Tamam ? C'est pas possible. Ou alors, quelqu'un qui te dirait, je suis un messager. Allah m'a envoyé. Te dirait, c'est pas possible. Ça serait un khabar, yata'alak bishara, législation. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la nabiya ba'di, plus de prophètes après moi. Wa qala Allah azza wa jal, Muhammad Rasulullah, tayyib, wa qala, wa khatim an nabiyyin. Il est le sceau des messagers, c'est-à-dire après lui, le sceau des prophètes. Après lui, il n'y a plus de prophète. Donc quelqu'un qui te dirait cela serait impossible. C'est un mensonge pur. Après, le troisième, c'est celui qui peut être considéré comme étant véridique ou mensonger. Ou alors, un des deux, plus prépondérant, ou alors qu'ils soient égaux. Tu vas dire ça, c'est un mensonge. Tu peux dire ça, je connais ce rabat-là, c'est véridique. C'est possible que ce soit un mensonge, et c'est possible que ce soit vrai. Donc là, khabar, on a fini. Maintenant, il vient avec l'incha. Et incha, c'est ça qui est le shahid du bab, l'incha. C'est ce qu'on ne peut décrire comme étant un mensonge ou comme étant véridique. Wa ma wal incha minhu al-amr wa al-nahi. Ce serait un ordre ou une interdiction. Qu'Allah azza wa jal wa abudu Allah wa la tushriku bihi shay'a. Ça s'appelle un incha, c'est un ordre. Allah dit adorer Allah et ne lui associe rien. Ou je te dis, مثلاً, ya Zayd ijlis. Zayd, assieds-toi. Est-ce qu'on peut décrire ma parole comme étant mensongère ou véridique? C'est un ordre. C'est un ordre. Ou je te dis, akul Zayd la tajlis. Zayd, ne t'assieds pas. Adanahi. Est-ce qu'on peut dire que ma parole, il y a un mensonge dedans ou une vérité? C'est un nisha, c'est un ordre ou c'est une interdiction. Il te dit, assieds-toi. Tu dis, ouais, t'es un menteur. Je ne vois pas le rapport. Mathalan. Tayyib. Donc là, Incha'a, comme il a dit, Al-Amr wa Al-Nahi. Après, il dit, wa kod yakoun al-kalam khabaron Incha'a bi'irtibarein. Ka siyer al-ukoud al-lafziya. Mith bi'irtuk wa kabeltuk. فإنها باعتبار دلالتها على ما فيه على ما في النفس العاقد خبر وباعتبار ترتيب العقد عليها إنشاء. Donc maintenant, un kalam peut avoir les deux ensemble, khabar et insha. Comme par exemple certaines formules dans les accords entre les gens. Quelqu'un va te dire bi'tuka lak zalik. Toi tu dis qabiltuk ou qabiltuhu. Quelqu'un t'a dit, je t'ai vendu cela. L'autre il dit, j'accepte. Ça c'est quoi? Il dit, par rapport au aqid, celui qui fait l'acte, c'est un khabar. Pourquoi? Quand il peut dire, un il te dit, je vends cela, je t'ai vendu cela. L'autre il dit, j'accepte. Après un autre jour, il dit Birtuka lak zalik. L'autre il dit là, ma birta li hada. Il peut dire non, tu ne m'as pas vendu cela. Amt. Et ça peut être un incha, dans quel sens? Ou qu'en fait, quand quelqu'un te dit Birtu zalik, c'est un terme pour dire Khalas, j'ai accepté de te vendre cela. Et l'autre il dit Kabilt, j'accepte. Là, c'est un incha, pourquoi? Parce que par la suite, la vente elle a été faite. Donc, différence entre quelqu'un qui te dit Birtu hada, je te l'ai vendu. Dans le sens, par exemple, Tazkour, Birtu hada, Ams. Tu dis non. Ça, c'est un khabar. T'as même, c'est un khabar. Tu te dis, je t'ai vendu cela, tu dis non, tu ne m'as pas vendu. Je ne m'en rappelle pas, j'ai oublié. Et dans le sens, lorsque toi et moi, on a un accord à faire, tu me dis, par exemple, combien tu vends ce stylo, je te dis, je le vends tant, tel prix. Tu dis, je veux l'acheter. Tu dis, j'ai l'argent, je veux l'acheter. Et il te dit quoi, lui? Bientôt lac. C'est-à-dire, dans le sens, j'accepte de te le vendre, en fait. Voilà, la marche est conclue. Toi, tu dis, j'accepte la vente aussi. Là, c'est Incha qu'il y a eu. C'est pas un khabar. Tu fais comprendre, je suis d'accord, je te le vends. Toi, tu dis, j'accepte la vente. Ou Wahid, il dit, Zawajtuka binti. je t'ai marié ma fille, khalas. Toi, tu dis, j'accepte ta fille. Là, c'est un accord. Et si jamais c'est un khabak qui te dit, mais je t'ai marié ma fille. Je dis, non, tu peux pas marier ta fille. Quand tu m'as marié? Là, c'est dans le sens khabar. Et ça peut être également un sens, incha. Comprends? Taïeb. Au début, ça peut être confus pour des personnes, mais bon, à kaza. Après, le contraire. Wa qad yati al-kalam bi sura surat al-khabar wal murad bi al-insha bil aks li fa'ida, que la parole, le kalam peut venir avec la forme d'un khabar, mais le sens venu c'est insha, c'est-à-dire soit un ordre soit une interdiction. Kama qala azza wa jal wal mutalaqqat yatarabbasna bi anfusihinna thalatha quru, et que les femmes divorcées, yani elles ont une période de vaduité de 3 menstrues. En fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut donner un ordre. Un exemple, je te donne. Tu me dis, qu'est-ce qu'on fait demain soir? Tu me demandes, qu'est-ce qu'on va faire demain soir? Je te dis, ama anta izabil masjid. C'est un ordre. Toi, tu vas au masjid. Ça, c'est quoi? Incha, j'ai fait. Izabil masjid. C'est un ordre. C'est incha. Il dit, amma zayd. Zayd. Il y a juste le Beiti. Zayd, il reste à la maison. En apparent, est-ce qu'il y a une sirat de Amr dedans? Non. Et est-ce qu'il y a une sirat de Nahi? Comme tu les connais, il n'y a pas. Mon parent, en apparent, tu dis, Zayd, il reste chez lui. Mais c'est quoi mon sens? Il doit rester chez lui. Voilà. Donc l'apparent, c'est un khabar. Car si on sort la phrase de son côté impératif, je te dis, Zayd, il reste chez lui. Toi, tu peux me dire non. Il sort tout le temps. Ça, c'est un sens de quoi? De khabar. Moi, maintenant, je te prends la même formule en sens incha. Je dis, Zayd, il reste chez lui. Là, c'est un ordre que je donne, en fait. Tout le temps, il reste chez lui. Tu peux me dire que j'ai menti, j'ai pas menti. Tu peux pas me dire que j'ai menti. C'est un ordre que je donne. Mais c'est un ordre sous forme de khabar. En français, ça se dit aussi. Comme un père, il dit, il est où, Foulen? Il est sorti. Tu dis, bah, il reste là où il est. C'est quoi ton sens? Qu'il doit rester où il est. Reste où tu es, en fait. C'est un sens de reste où tu es. Mais la phrase, elle a un côté de quoi? De khabar. En français, ça existe aussi pareil. Donc des fois, dans le Coran, tu verras des phrases. Je veux dire, c'est pas un ordre, c'est un khabar. Il n'y a pas de forme impérative dedans ou d'interdiction. On te dit, Allah, il a voulu parler à quoi? Incha, c'est un ordre qu'il a donné. Et après, c'était un autre exemple, mais comme il est un petit peu plus subtil à expliquer, on le laisse. Si tu as compris ça, il y a que fin, Inch'Allah. Donc pour t'apporter à quoi? À pouvoir différencier d'un khabar. L'incha. Et que des fois, attention, un incha vient sous la forme d'un khabar et un khabar sous la forme d'un incha. À toi de différencier, et ça, il y a des corps et des indices qui te l'indiquent. Après, il cite Al-Hakika ou Al-Majaz. Al-Hakika ou Al-Majaz. C'est-à-dire une parole réelle et une parole qui serait imagée ou une métaphore. Qal Yankasimul Kalem, min haythu al-isti'amal. Il est haqiqatin wa majazin. Que la parole, par rapport à son emploi, comme on emploie la parole, le kalem, tout ce qu'on a préparé avant, ça se divise en deux choses, soi-disant. Soit en réalité, ou soit ce qu'on appelle majaz, métaphore. On va en parler, Inch'Allah. Qal, fal haqiqa hiya al-lafz al-mustamal fi ma wudi'a lahu, mithl asad al-hayawan al-muftaris. Donc c'est quoi la haqiqa? C'est le terme que tu leur as employé pour ce pourquoi il a été donné. En réalité directement. Par exemple, tu dis Assad, lion, pour décrire quoi? L'animal, son prédateur. Un lion. Donc c'est quoi un lion? Donc quelqu'un il te dit par exemple, Ja'a al-Assad. Le lion est venu. C'est un kalam qui est réel. Un lion il est venu. Un lion, c'est le mot lion, Assad, a été dit pourquoi? Cet animal qui est un prédateur qu'on connaît. Voilà, je te dis Messalène. Qalem. Qalem, c'est quoi la haka? C'est quoi tu écris? C'est ça le sens. Le mot qalem a été mis pourquoi? Pour le stylo. Qal, fa kharaja bi qawlina al-mustamal al-muhmal, fa la yusamma haqiqa wa la majaz. Donc quand il dit le mot employé, cela exclut quoi? Le muhmal. Je ne sais pas comment traduire le muhmal à cet endroit-là. C'est-à-dire un mot muhmal, on n'appelle pas ni haqiqa ni majaz. Comme par exemple, tu dis days. Days, c'est quoi? C'est le mot à l'envers de Zayd. Daï, ça n'existe pas. Ça n'a pas été employé. Donc ce n'est pas un mot qui est moustarmel. Donc c'est ni un hakika, ni un majaz. Maintenant en France, on a le verlan, on connaît, mais ça, fais pas attention, on parle d'enchal. Il n'y a pas de verlan dans Charles. Ça n'existe pas. L'argot, le verlan, ça n'existe pas. Quelqu'un te dit Dja, Daïs. Ça veut dire quoi, Daïs? Il ne va pas comprendre. À part s'il sait que toi, tu as l'habitude d'appeler Foulen Daïs. Il va dire, oui, je sais, quand il dit Daïs, il veut dire Zaid. Mais sinon, à la Wadi Umum, les gens ne savent pas ça veut dire quoi, Daïs. Ou par exemple, Kalem. Tu veux dire Malak. Les gens vont dire c'est quoi Aktoubil Malak. Ils vont dire c'est quoi Malak. C'est un mot qui n'existe pas à la base. C'est toi, tu as voulu faire un truc, tu l'as mis à l'envers, mais les gens, ils ne connaissent pas le mot Malak. Et ça veut dire ça Bourmel, c'est en fait c'est des lettres assemblées qui n'ont pas de sens à la base. Ah, mais c'est fait exprès, en fait. Taïeb. Et il dit, dans le sens, ce pourquoi le mot est employé, dès son origine, c'est ce quoi le majaz. Donc là, on a pris le hakika, un mot qui est employé, ce pourquoi il a été, ce pourquoi il est connu de sa base, directement. Après, il dit, وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام لغوية وشرعية وعرفية. Maintenant cette réalité, tamam, dans le kalam, c'est juste en dessous. Cette haqiqa elle-même se divise en trois choses. Tu as celle qui est linguistique, littéraire, celle qui est liée à la législation et celle qui est liée aux urf, aux coutumes des gens. C'est-à-dire un mot peut avoir trois formes différentes, peut être employé de trois façons différentes, tout en restant dans la haqiqa. Il peut avoir un sens dans la langue arabe, avoir un autre sens dans la législation, et avoir un autre sens dans quoi? La coutume des gens quand ils parlent avec ce mot-là. Mais dans les trois sens, c'est un mot, il est réel. C'est pas un majaz, c'est pas une métaphore. C'est un mot, il est réel. Donc la haqiqa qui est linguistique, c'est un terme qui est employé en langue arabe, de sa base. C'est-à-dire quelqu'un qui est l'orawi, qui connaît langue arabe, il sait ce que ce mot-là veut dire en langue arabe, directement. Donc ça exclut quoi? La haqiqa shadriya ou la haqiqa rolfiya. Masalan, je te dis, il donne exemple, salah. La salah. Littéralement parlant, c'est doa. Salah, en langue arabe, sans regarder la religion et sans regarder les coutumes des gens, salah, chez les arabes, ça veut dire quoi? Doa. C'est-à-dire les arabes, avant que l'islam ne vienne ou quoi, le mot soleil le connaissait. Par exemple, quelqu'un te dit, dans la langue arabe, soli, li. On ne regarde pas le djinn. C'est-à-dire, fais doa pour moi. Tamam. Donc des fois, il faut faire attention, qu'est-ce qui évolue comme sens. Après, quand est al-haqiqa wa shal'iyya, al-lafz al-mustamel fi ma wudi'a lahu fi al-shara. Donc la haqiqa légiférée, c'est le terme qui a été employé dans la législation. C'est-à-dire, il diffère du sens littéraire, linguistique. Donc, cela exclut quoi? Ça exclut la haqiqa lorawiya, linguistique, et ça exclut la haqiqa rolfiya. Quand on dit haqiqa shal'iya, ça exclut les deux autres. Même exemple, as-salah. Shal'an, maintenant, as-salah, c'est pas le même sens que le littéraire. C'est quoi? Fa'inna haqiqataha et shal'iyata al-aqwal wal-af'al al-ma'louma. طيب المفتتح بالتكبير والمختتم بالتسليم فتحمل في كلام اهل الشرع على ذلك. Donc la salat, sa réalité dans la législation, c'est quoi? C'est cet acte que l'on fait qui contient des mots particuliers, voyez, des gestes particuliers qui s'ouvrent avec un takbir et qui se finit par un taslim, la salat. Et lorsque les gens du char parlent de salat, c'est ça qu'ils visent par là. Ils ne visent pas le doa. Ils visent la salat, comme ça qu'on fait 5 fois par jour, et autres. Après, il dit, wal haqiqa al-urfiya. Hiya al-lafz al-mustamel fi ma wudi'a lahu fi al-urf. C'est le terme qui a été employé dans ce qui est connu dans la coutume des gens. C'est-à-dire qu'il contient, qu'il ne rejoint pas la langue arabe d'origine, ni la législation. C'est les gens dans une contrée, ils parlent comme ça, ce mot-là, ils veulent dire ça chez eux. Et c'est un sens réel pour eux. Un exemple, un exemple en arabe, on le laisse parce qu'en français, je ne pourrais pas le faire apparaître. Masalen, en rourf, chez les gens, une caisse. Voilà. Chez les gens, on a coutume une caisse, ça peut être une voiture. Quand on connaît le côté d'une langue, la langue française d'origine, c'est quoi une caisse? C'est une boîte dans laquelle on met des choses. Ça, c'est le sens de caisse dans le sens littéraire. Maintenant, dans les coutumes des gens aujourd'hui, quelqu'un va dire j'ai acheté une caisse. Il va dire t'as mis quoi dedans? Non, il dit une voiture. Je parle d'une voiture, il va te dire. Donc toi, à toi de différencier, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Est-ce que c'est le sens linguistique ou le sens de la coutume? Il va te dire, Masalène, dans ma poche, j'ai 10 sacs. Tu vas regarder, il a dit, je ne vends pas de sacs dans ta poche. 10 sacs, genre 10 euros, Masalène. Ou à l'époque, c'était 10 francs. Chez nous, 10 sacs, c'est le sens de la monnaie. Il va dire, ah, d'accord. Moi, je pensais 10 sacs, dans le sens littéraire. Des sacs comme un sac plastique ou un sac à bagages. Il dit, je ne vois pas de sac avec toi. Dans leur coutume, c'est connu. Et c'est un sens réel. Ce n'est pas une métaphore. C'est un sens réel chez eux. Donc là, on a compris que le kalem, dans la hakika, tu as trois formes. Tu as celle qui est littéraire, linguistique, qui est liée à la langue. Et là, on parle de langue arabe. Là, je dis exemple en français. Pour que tu comprennes, on vise la langue arabe. Tu as la réalité qui est littéraire, linguistique. Tu as la réalité qui est shad'iyya, qui est liée à la religion, qui, elle, n'est pas la même que le sens qui est littéraire. Et tu as la réalité qui est quoi? Liée aux coutumes des gens. Dans tel pays, les gens, ce mot-là, ils veulent dire ça chez eux. Dans tel pays, il a un autre sens. Dans tel contrée, il a un autre sens. Et ils ne visent ni, par là ni la religion, ni la langue d'origine. Donc, c'est quoi la faïda de connaître ce taxim? C'est pour savoir, quand le mot l'employé, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Est-ce qu'on veut dire un sens littéraire? Est-ce qu'on veut dire un sens religieux? Est-ce qu'on veut dire un sens coutumier ou différencié? Car ça peut t'embrouiller et t'amener à te tromper quand les gens te parlent. Donc maintenant, comment savoir? C'est-à-dire, ulama, ils disent, lorsqu'il y a on parle dans le shara, quand ça vient dans le shara, on fait passer en premier quoi? Le sens shari. Quand ça vient dans un kalem normal, adi, on fait passer quoi en premier? Le sens littéraire. Et quand c'est un truc qui est propre à une région, on fait passer quoi en premier? Le sens coutumier. C'est à toi de distinguer à quel moment. Donc quand c'est un hukm, un insha, à la base un ordre, il faut savoir différencier c'est quoi qu'Allah Spontané veut par là. Est-ce qu'il veut un sens shadri, un sens rolfi ou un sens lorawi? Donc là, on a compris quoi? On a pris le kalem. Le kalem, on a dit quoi? C'est un love mufid. C'est-à-dire des termes qui ont un sens. Quand tu parles, ce que tu as voulu dire par là. On appelle ça, ou à l'exemple, jumla mufida. Après, on a dit ce kalem se compose de deux choses au minimum. Soit deux noms, Zaydoun quand imoun, Zaydoun est debout, ou soit un nom et un verbe. Zaydoun, Ja'a. Ou Ja'a Zaydoun. Après, on peut rajouter. Après, on a dit que ce kalem se divise en deux. Khabar ou Incha'a. Khabar, c'est un kalem qui peut être défini comme étant soit un mensonge ou soit véridique. Incha, on ne peut pas. Et souvent, Incha, ça va être un ordre ou une interdiction. If al-kaza, awla taf al-kaza. Alors que l'autre, c'est une chose qu'on t'informe. Ja'a Zayd. Zayd, il est venu. Après, on a vu que des fois, Incha peut venir sous la forme d'un khabar. Et un khabar peut venir sur quoi? Sous la forme d'un Incha. Faut faire attention. Après, on a vu que quoi? Que cela se divise en haqiqa ou en majaz. La haqiqa, elle a trois formes. Soit une haqiqa lorawiya, une réalité qui est quoi? Liée à la langue d'origine. Après, tu as haqiqa shar'iya, celle qui est liée à la législation, à la religion. Après, tu as celle qui est liée aux coutumes. Haqiqa urfiya. La forme, taille. Après, il dit que la deuxième catégorie, c'est el majaz. قال المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له مثل اسد للرجل الشجاع. Le majaz, c'est quoi? Ce qu'on appellerait une métaphore en français. C'est un terme qui a été employé pour autre que son sens d'origine. Comme par exemple, dire Assad pour un homme courageux. Tu dis, lui, c'est un lion. C'est quoi un lion? On l'a pris là-bas. C'est quoi un lion dans la hakika? L'animal. Le rawiya, c'est l'animal prédateur. Maintenant, dans le majaz, un lion, ça va être quoi? Un homme courageux. On décrit un homme courageux comme étant un lion, parce que le courage, c'est parmi les caractéristiques du lion. La tembi, ce taxim de hakika et de majaz, c'est un taxim qui est mubtada, qui a été innové. Tamam? À la base, en langue arabe, dans le Coran, il n'y a pas de majaz. Il n'y a pas de majaz. Hada wal qawl sahih. Et ceux qui ont posé le majaz, comme les ulama le disent, comme Cheikh al-Islam Taymiyyah et d'autres, c'est une chose qui est arrivée après les trois siècles de vertu. Les siècles des salafs, c'est arrivé après. Chez eux, il n'y a pas de majaz. Tout le kalam était haqiqi. Juste dire que Foulen, c'est un Assad, pour dire que les Shuja, c'est un style linguistique de chez les Arabes. Mais ça ne s'appelle pas majaz. Pourquoi? Car ce bête de majaz, qu'est-ce qu'il a employé? Les gens qui ont voulu abroger et supprimer les asma wa sifat. Ils ont fait quoi? La main d'Allah, ça veut dire telle et telle chose. Ils l'ont mis, c'est du majaz. C'est pas du haqiqi. Allah, il n'a pas de main. Ça veut juste dire, masalène, la force d'Allah. Donc, ça a été appelé quoi? Comme étant un tarout de al-bida. Et Cheikh al-Islam et Ibn Qayyim, ils ont dit quoi? Les gens qui ont voulu abroger les sifat. Ils servent du majaz. Donc, c'est un peu qui est khatir. Donc, dans le Coran et dans la langue arabe, il n'y a pas de majaz. Mais c'est un sloub, un style emprunté par les Arabes, comment ils parlaient, pour dire, masalène, Foulen Bahar. Lui, c'est un océan, c'est une mer. Pourquoi dire qu'il a plein de sens? Et déjà, ils vont dire ça, c'est du majaz. Ils vont dire, non, c'est pas du majaz. C'est juste un style de parler. Pour dire que lui, quand on dit Ada Foulen Bahar, c'est quelqu'un qui est très savant. C'est un style dans la langue arabe. Mais le majaz en soi, comme vous le voulez, n'existe pas. Donc ce taxim, c'est un taxim qui est mubtada. Certains gens de la sunna se sont trompés et l'ont vu. Mais ils ont eu tort. Et la réalité, c'est qu'il n'y a pas de majaz. Donc là, on n'a pas cité tout ce que le chien a cité par rapport au majaz, car on voit que c'est barati le majaz. Il ne faut pas mettre des chevaux dans la tête des gens. Et que celui qui, par la suite, aura plus de langue arabe et plus d'acquis scientifiques, pourra mieux étudier la chose, inshallah. Pour pouvoir, justement, réfuter les gens de la bida ou comprendre ce que les gens de la sunna ont voulu dire lorsqu'ils ont employé le terme majaz. Vous voyez, les gens de la sunna qui ont employé le terme majaz, leur cause n'est pas la même cause que les gens de la bida. Mais le meilleur, c'est ne pas l'employer, ne pas s'en servir. Azahu. Mafou Mahada, c'était un peu long aujourd'hui, mais c'est important. Donc on a pris quoi aujourd'hui? El Kalem. Non. Et après, il y aura plus de tafsir qui vont arriver dans la suite, dans le livre, inshallah ta'ala. فإلا هنا والحمد لله